Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Direction Paradis, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Pascal Deux. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles de la fiction, nous vous racontons l'histoire de Lila, jeune étudiante en droit qui cherche sa voie entre un futur hypothétique et un présent difficile. Lila rencontre Kamal et tombe amoureuse. Une histoire qui jusque-là semble simple, banale. Mais Kamal entraîne la jeune femme vers d'autres contrées, d'autres futurs, un monde basé sur la haine et la violence auquel seuls l'islamisme radical et Daesh peuvent offrir leur solution, la mort. Fondamentalisme, radicalisme, intégrisme, islamisme ou encore salafisme, depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, revendiqués par Daesh, de nombreux mots sont employés pour pointer du doigt ces graves dérives de l'islam. Tour à tour, ces mots sont mélangés, confondus, parfois même dévoyés. À la suite des attentats terroristes en France, une mission a été mise en place par le gouvernement. Parmi les questions qu'elle se pose, comment désintoxiquer les individus qui se sont retrouvés dans des filières djihadistes, plus précisément, comment les déradicaliser? Plusieurs centres sont créés à partir de 2015, mais leur efficacité fait débat. Dans son article « Terrorisme et autres menaces », le magistrat Jean de Maillard estime que les programmes de déradicalisation sont généralement considérés par les pouvoirs publics comme des solutions d'ensemble, alors qu'ils constituent une réponse individuelle pour quelques cas bien déterminés. Des chercheurs spécialistes de l'islam et du monde arabe s'opposent aussi à l'interprétation qu'on peut faire du phénomène djihadiste. Alors, qui sont ces criminels? D'un côté, le politologue Olivier Roy estime que le djihad n'est pas la conséquence d'une radicalisation de l'islam, mais d'une islamisation de la radicalité d'islam, représentant l'une des dernières offres politiques disponibles sur le marché de la révolte radicale. C'est comme cela qu'il faut le comprendre, semble-t-il. À l'opposé, Gilles Kepel déjuge la notion même de radicalisation. Selon lui, le couple radicalisation-islamophobie empêche de penser la manière dont le djihadisme tire profit d'une dynamique salafiste conçue au Moyen-Orient et porteuse d'une rupture avec les sociétés européennes sur le terrain des valeurs. D'après un rapport du Sénat de mars 2017, il serait 17 393 en France inscrits au FSRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Pour nous accompagner dans la seconde partie de l'émission et nous aider à comprendre ce que le djihad signifie et comment il recrute et opère, nous recevrons le journaliste Pascal Manoukian, ancien grand reporter et aujourd'hui écrivain. Il est l'auteur du livre intitulé « Ce que tient ta main droite t'appartient », un ouvrage sur la radicalisation et les attentats et Daesh. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Direction Paradis, de François Luciani. Réalisation, Pascal Deux. Mon nom, c'est Belkacemi. Lila Belkacemi. Ma mère m'a dit que Lila, c'est un nom de fleur qui veut dire lys. Ça viendrait du latin, paraît-il. Mais comment elle peut le savoir? Elle a jamais mis les pieds à l'école. Momo, mon père, lui, m'a toujours dit que Lila, c'est comme Leila. Ça veut dire nuit ou crépuscule en arabe. Mais lui, il a fichu le camp quand j'avais 6 ans, alors j'en sais rien ce qu'il dit est vrai ou pas. En fait, tout le monde m'appelle Lily. C'est plus simple. J'ai eu 20 ans hier et je suis enceinte. J'ai chaud. Mon corps brûle comme si j'avais de la fièvre. C'est peut-être à cause de tous ces gens qui sont là autour. Il y a un monde fou ce matin, station Barbès, direction Étoile. Aucune raison d'avoir peur. J'aurais juste à appuyer tout doux sur le bouton poussoir. Un simple clic. Je ferai comme on a dit. Je m'arrêterai là, en bout de quai, direction Paradis. Je sais que tout est écrit, tout, depuis le commencement, depuis le jour où j'ai vu Kamal pour la première fois. Tu dors? Mais non, je réfléchis. Les yeux fermés? Bah oui. Tu penses à quoi? Ça pue ici, c'est glauque. Je suis rentrée, je crois. Déjà, mais on vient à peine d'arriver. J'ai des trucs à faire, je te dis. À cette heure-ci. Faut vraiment que je trouve un appart, j'en peux plus, moi, d'habiter chez ma mère. Tu veux trouver une piole maintenant, à 2h du mat? Faut que je rentre, je te dis. T'as des pistes? Zéro. Studiaparc, tu connais? Non. Ça a l'air pas mal. C'est sur Facebook. Facebook, c'est pour les ploucs. Ça sert à rien. Essaye toujours. C'est un site dédié au logement étudiant, on sait jamais. Ok, on verra ça. Tu veux tirer une latte? Non. Faut que j'y aille, je te dis. Vraiment pas cool. Je sais. On se voit demain à la fac? Non, demain je bosse, c'est mes jours de service. Après alors? Je sais pas, on verra si je suis pas trop crevée. Salut. Voilà, bon appétit. Qu'est-ce que tu fais, poupée? Tu rêves ou quoi? J'arrive. Les beaux moutardes, c'est pour qui? Allez, on bouge là. Hop, hop, hop, mon petit cul là. Oh, tu trouves ça drôle? Oh, une petite claque sur les fesses, c'est pas méchant. Te vexe pas, poupée. Allez, file. Mais putain, mais arrête. Pourquoi elle se prend la môme là? La prochaine fois que tu me touches, je te fais bouffer tes dents, t'as compris? Oh, allez, oh. Hey, je suis une femme, moi, hein. Ouais. Je suis pas un animal. Oh, oh, oh, oh. Allô? Oui, c'est moi. C'est pourquoi? Là, tout de suite, c'est difficile. Je peux vous rappeler? Poupée, qu'est-ce que tu fous? J'arrive! On va pas que ça refroidisse, c'est pas vrai, ça! Oui, voilà, putain de bombe! Je suis ravie de faire votre connaissance, Lila. Vraiment. Je sais que vous êtes très occupée. Si on veut. Comment avez-vous entendu parler de nous? C'est un copain qui m'a indiqué votre site sur Internet. Vous avez ouvert un compte chez nous hier soir sur notre site, n'est-ce pas? Oui. Alors vous connaissez Studia Park? Vaguement. Studia Park est un organisme qatari qui a pour mission de financer en partenariat avec les universités européennes des programmes de logement réservés aux étudiants à des tarifs préférentiels. Ça veut dire quoi, préférentiel? Disons que c'est un échange. Cela permet aux étudiants de se loger à moindre frais. Quel est votre niveau d'études? Licence en droit. Je voudrais me spécialiser dans le droit international. Très bien. Et quelles sont vos ressources actuelles? Eh bien, je travaille 3 jours par semaine dans un restaurant. Vous avez des fiches de paie? Oui, bien sûr. Alors, il nous faudra la copie des diplômes, les 3 dernières fiches de paie et une attestation de scolarité. D'accord. Vous avez de la chance, un studio vient justement de se libérer au 15 rue Honoré de Balzac. C'est à 10 minutes à pied de la place de l'Étoile. 20 mètres carrés, au 6e étage, avec douche et vue sur la tour Eiffel. Une ancienne chambre de service, refaite à neuf, loyer mensuel, 265 €, charge comprise. Cela vous convient-il? Oui. Vous voulez que j'appelle le propriétaire? Oh oui, oui, merci beaucoup. Kamal Akhtar, j'ai quelqu'un pour vous. Demain, 11h, rue Balzac. C'est comme ça que j'ai rencontré Kamal. J'attendais sur le palier du 6e étage du 15 rue Balzac. Il était pile 11h quand j'ai vu arriver un jeune homme impeccable dans un costume anglais de première classe. Métis, de type indien, les traits fins, longilignes et des yeux clairs d'un vert amande à faire pâlir les jeunes filles les plus sages. Leïla Belkacemi? Oui. Kamal Ashraf Sherif. Bonjour, enchanté. Entrez. Oh! Gaz, électricité, code d'accès, quoi d'autre? Ah, j'oubliais, l'essentiel, les clés. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord. Vous savez comment me joindre, j'ai laissé ma carte sur la table avec le contrat. Merci. Autre chose? Je peux faire une photo, c'est pour montrer à ma mère? Oui, bien sûr. Elle va être fière. N'oubliez pas. Pour le loyer, c'est le 5 de chaque mois. Oui, oui, pas de problème, je n'oublierai pas. Eh bien, dans ce cas, il me reste qu'à vous laisser. Vous êtes ici, chez vous. Merci. Au revoir, Leïla. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez un petit accent, vous venez d'où? Ça vous intrigue? Un peu, oui. Pakistan. Mon père est né à Karachi et ma mère à Bombay. Nous avons vécu à Islamabad et... j'ai fait mes études à Londres. Alors, vous voyez, ça fait des curieux mélanges. Vous parlez parfaitement le français, en tout cas. Je vous remercie. C'est un compliment qui me touche. Au revoir, Leïla. Au revoir. Je me suis approchée de la fenêtre. Tout brillait comme dans une carte postale. On aurait dit un de ces chromos avec la tour Eiffel en relief qu'on trouve à 1 € au marché arabe. Tout paraissait irréel, comme dans un film. La chance m'avait souri. Une chambre pour moi toute seule, faire ce que je voudrais, quand je voudrais, avec qui je voudrais. Et il avait des yeux à tomber. Allô, Alex ? Ouais, Lila ? Tu devineras jamais ? De quoi ? Ça a marché. Tu l'as dit à ta mère ? J'ai raccroché. Une image s'est affichée en fond d'écran sur mon portable. C'était lui, Kamal Attar Sharif. Pris sur le vif. Il était un peu flou, à contre-jour, beau comme un dieu. Alors je lui ai fait un texto. On fait comment pour le contrat ? Le téléphone m'a répondu. Demain, 19h, au bar anglais du Plaza Athénée. Et je me suis endormie. Voilà. Je vous ai apporté les papiers. J'ai tout signé. Très aimable à vous, Leïla. Il ne fallait pas vous déranger. Vous êtes sûrement très occupée, alors je me suis dit que... Vous voulez boire quelque chose ? Vous avez beaucoup de locataires, pas vrai ? Pas mal. Vous devez être très, très riche. Pas tant que ça, vous savez. Vous avez de la chance. Ça se voit. Et beaucoup de moyens. Mon père dirige un groupe bancaire spécialisé dans les placements immobiliers en Asie et au Moyen-Orient. Depuis janvier, j'occupe un poste de conseil en relations publiques à Paris. Et vous ? Moi ? Rien. Vraiment ? Ma mère est dame de cantine à Émile Zola et mon père a fichu le camp. Moi, je voudrais être avocate. C'est un beau métier pour une femme. Je sais pas encore. Belkacemi, c'est un nom algérien, non ? Vous venez d'où ? Saint-Ouen par ma mère, Sidi Bel Abbès par mon père. Alors vous êtes comme moi, un mélange. Si on veut. On est tous des mélanges, non ? Sûrement, oui. Je vous raccompagne ? J'ai d'abord dit non, il a insisté et je l'ai suivi. Une Mercedes avec chauffeur nous a déposés devant un immeuble en verre qui donnait sur la Seine. Un homme nous a ouvert le chemin jusqu'au 10e étage. Un duplex high-tech avec vue. Il était calme, attentionné. Il s'est approché de moi et il m'a demandé... Tu connais les prières ? Non. Je connais pas les prières. Il a déposé un baiser sur mes lèvres. Alors je t'apprendrai. Avec Kamal, c'était un autre monde. Chez lui, il n'y avait que le juste nécessaire, le minimum vital. Un lit, une table et un narguilé. Je savais rien de lui. Il voulait tout savoir de moi. Tu en veux ? Non, merci. Ces trucs-là, ça me fait tourner la tête. Ton père s'appelle Mohamed, n'est-ce pas ? Oui, Mohamed. Momo pour les intimes. C'était son prénom. Tout le monde l'appelait comme ça. Alors, il est musulman. Et toi aussi, non ? Pourquoi tu n'en parles jamais ? J'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que... Et puis ça sert à rien de raviver le passé. Ça dépend. Je n'en parle pas pour la simple et bonne raison qu'il s'est barré. C'est tout. Ça te suffit ou tu veux des détails ? Tu lui en veux, n'est-ce pas ? Tu voudrais que je lui dise merci ? Tu ne l'as jamais revu ? Jamais. Tu as essayé ? Non, j'ai pas envie d'en parler, je te dis. C'est ton père. Tu dois le respecter. Et lui, il me respecte ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai dit quelque chose de mal ? Au contact de sa peau, j'avais un sentiment étrange, anormal de pureté, comme une fascination. Il faisait en sorte que tout me soit offert. Je n'avais même plus besoin de sortir. Ça faisait des jours et des jours que je ne voyais plus que lui. Alors je lui ai dit « Excuse-moi, je dois partir. Faut que j'aille travailler pour payer mon loyer. » Il m'a répondu « Fais ce qui est écrit. » Et il m'a laissé seule. J'ai appelé Roubaud à la Bonne Étoile et je lui ai dit que je pourrais pas venir pour le service du soir parce que j'avais mal au ventre. Te fatigue pas, poupée, j'ai déjà pris quelqu'un d'autre. Il avait sûrement pas apprécié que je lui dise ses vérités. J'en avais tellement marre de ses sales pattes. Au fond, j'étais soulagée. Je me suis habillée et j'ai marché pour penser à autre chose. Besoin d'air, respirer, chasser la peur. Une de ces peurs familières qui nous le ventre quand on ne sait même plus comment faire avec la banque. Tu vas faire comment maintenant pour les loyers? Et ils sont stricts chez Studio Park. Je sais. Tu veux retourner habiter chez ta mère? Tu plaisantes? Alors, je ne sais pas. Tu pourrais pas me dépanner pour quelque temps? Je te jure, je te les rendrai. Attends une seconde. Salam alaikum, Abi. Kif halak? Saha. J'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre. C'est quoi tout ce fric? C'est à toi? C'est la recette mensuelle des dons de l'ONG que dirige mon père pour les enfants de Syrie. Tout ça? Ce n'est pas grand-chose, tu sais. Quand même. Il y a au moins 100 000 là-dedans. On cherchait une personne de confiance pour déposer ça chez un frère. C'est juste un aller-retour en taxi. Alors j'ai pensé à toi. Mon père est d'accord. Et pourquoi il n'y va pas lui-même? Mon père préfère rester discret. Et puis, ça te fera un billet de 2 000. 2 000? Tu peux réfléchir si tu veux. C'est tout réfléchi. 3 000 et c'est OK. OK pour 3 000. C'était à 2 pas du métro Stalingrad. Un immeuble vétuste près d'une épicerie orientale. Code 15F54. 4e gauche. Il n'y avait pas de nom sur la porte. Juste un code. J'ai sonné. Une jeune femme m'a ouvert et m'a fait entrer dans un 2 pièces minable où d'autres femmes travaillaient sur des machines à coudre. Elle semblait enceinte malgré son jeune âge. Elle m'a demandé mon nom. Un homme est venu la rejoindre et ils se sont mis à compter l'argent. Tu vois, tout s'est bien passé. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Rien à dire. Voilà. Ça fait 3 000, comme on a dit. Qu'est-ce qu'il y a, Leïla? Quelque chose ne va pas? C'est bien ce qu'on a dit, non? J'ai l'impression que tu me prends vraiment pour une conne, c'est tout. Si tu ne souhaites pas poursuivre, Leïla, il n'y a aucun problème. Mon père et moi, nous trouverons quelqu'un d'autre pour faire le travail. Je ne t'oblige en rien, tu sais. Ni à me croire, ni à nous aider. C'est quand même un peu bizarre, non? Tout cet argent avec tes ONG, là. Moi, je te dis que c'est du black à blanchir. C'est gros comme une maison et tu t'imagines que je n'y ai vu que du feu? Tu me prends vraiment pour une idiote, ma parole. Tu ne me crois pas? Non. Tu peux vérifier. Téléphone, si tu veux. Vas-y, fais-le maintenant. Je te le demande. Tiens, tout est là, dans le dossier, sous ton nez. S'il y a des risques à prendre, j'aime mieux tout savoir. Sinon, c'est pas la peine de compter sur moi. Il n'y a aucun risque. Je te le dis, aucun. Jure-le. Je n'aime pas jurer. Ça porte malheur. T'as de la chance. J'ai envie de te croire et je me demande vraiment pourquoi. Tu es libre. J'ai envie de vomir. Tu n'as rien à craindre. Je t'assure. Excuse-moi. Parfois, je me fais des idées noires. Quelques jours plus tard, il m'a confié une nouvelle mission. Et j'ai accepté. Une valise de voyage était posée sur la table basse du salon. Il m'a dit « Ouvre ». Il y avait un fusil mitrailleur, 2 revolvers, un pain de plastique accouplé à un liquide jaunâtre contenu dans une petite fiole, des objets électriques miniatures style détonateur, un tournevis, des boîtes de balles et une paire de gants. Combien ? 3 000. 5 000, c'est mieux. Ok pour 5 000. Tu demanderas Nora. Ok. Tu as peur? Ça se voit tant que ça? Je te l'ai déjà dit. Il n'y a aucun danger. Nous n'avons rien à craindre. Rabbi subhanahu ma'ana. Femte, Dieu nous protège. Ah bon? Évidemment. J'aime pas cet argent. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es courageuse. Non, je suis pas courageuse. Si t'as besoin de moi, dorénavant, ce sera gratuit. J'aime pas cet argent, je te dis. C'était dans une rue étroite, du côté de Belleville. Un immeuble très sale. J'ai poussé la porte cochère et 2 hommes m'ont jeté au sol. J'ai dit « Je suis Lila ». Ils m'ont fouillé, puis ils m'ont conduite à l'étage. Une femme en niqab a ouvert la porte. Elle a pris la valise et l'a posée à même le sol pour l'ouvrir. Les 2 hommes observaient ses gestes minutieusement. Ils semblaient la protéger comme si elle était leur chef. Elle a dit « It's okay ». Les 2 hommes m'ont fait sortir. La porte s'est refermée sans bruit. J'ai soufflé un grand coup et dévalé l'escalier 4 à 4 pour gagner la rue. J'ai couru droit devant, sans m'arrêter. Je suis rentrée chez moi et je me suis enfermée à double tour. J'ai allumé mon téléphone et écouté les messages. Kamal me demandait « Tout est OK ?» Je lui ai envoyé un texto. « Oui, tout est OK. » Et je me suis endormie. Salut. Ouh, t'as l'air toute pâle, c'est bizarre. Y'a un truc qui va pas ? Non, je t'assure, ça va. Tu viens plus à la fac, ça fait des semaines qu'on t'a pas vu. C'est pas ça, mais j'ai trouvé un nouveau boulot, alors ça me prend du temps. C'est quoi ? Un truc dans la finance. Je te crois pas. Si, je te jure. Il s'appelle comment ton truc dans la finance ? Kamal. Comme ça, je comprends mieux. Kamal comment, je connais ? Cherche pas. Et la bière, c'est pour moi, je t'invite. C'est quoi ce billet de 100 boules, là ? T'as gagné au loto ? La finance, je te dis. Tu m'inquiètes. Allô, Kamal ? C'était la première fois qu'on me demandait en mariage. Quand il m'a ouvert la porte de chez lui, il m'a dit « Layla, veux-tu devenir mon épouse ?» À cet instant, je ne me souviens pas si je lui ai dit oui ou non, mais je sais que nous nous sommes aimés toute la nuit. Désormais, j'étais à lui, entièrement à lui. Il n'y avait plus aucune place pour les autres. Il m'a appris à prier. Nous nous sommes mariés à la maison, sans rien dire à personne. Nous n'étions que tous les deux, devant Dieu, sans témoin. Il m'a dit « Bientôt, tu auras une grande récompense. » Je n'ai pas compris tout de suite. Pourquoi tu fais tout ça ? Parce que c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit ? Tout. Mais quoi, tout ? Tout. C'est comme ça. Le maktoub, le destin. Tu crois vraiment à ces conneries ? Tu donnerais ta vie pour moi ? Non. Moi, oui. Parce que c'est écrit. N'importe quoi. On s'est endormis dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, j'ai posé un baiser sur ses lèvres et je lui ai dit « Pardonne-moi, je vais à la fac. J'ai mon partiel de droit. » C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Je ne l'ai jamais revu, sauf à la télé. Alors, toujours le grand amour ? Il ressemble à quoi ton Kamal ? T'as pas une photo ? Vas-y, lâche-moi, ça te regarde pas. C'est ma vie privée, ça. Au fait, je t'ai pas dit. Quoi ? Tu sais, Studiapark, le site étudiant sur Facebook. Eh ben ? Ils ont été perquisitionnés par les flics ce matin. Quoi ? Leur business, c'était bidon. C'est un réseau de rabatteurs de femmes pour la Syrie. Les flics appellent ça des dormants. C'est n'importe quoi, je te crois pas. Vérifie si tu veux. J'ai pris mon téléphone pour appeler Kamal. Son visage s'est aussitôt affiché en fond d'écran. C'est lui, là ? Je crois que j'ai déjà vu sa tête quelque part. J'ai couru jusqu'à chez lui. J'ai poussé la porte. L'appartement était vide. Seule la télé était restée allumée. On entendait des cris, des sirènes, des images de panique envahissaient l'écran. Un nouvel attentat déjoué en plein centre de Paris. Un jeune homme de 30 ans, de retour de Syrie sous une fausse identité, a été abattu après avoir tenté d'agresser deux soldats français au pied de la tour Eiffel. On voyait dans des images montées en boucle le visage de Kamal et son corps ensanglanté évacué par les ambulanciers. Sur la table du salon, il y avait un mot, écrit à la main. « Fais ce qui est écrit. Bientôt, tu auras une grande récompense. » Près du mot, une ceinture d'explosifs et un revolver. J'ai pris la ceinture et je l'ai placée autour de mon ventre. Je n'avais pas encore eu le temps de lui dire que j'attendais un enfant de lui. J'ai marché longtemps. Partout, les mêmes images sur des écrans géants montraient l'assassin. Les attentats suicides ont provoqué... On entendait les commentaires des journalistes, des spécialistes de la sécurité, de l'état d'urgence et du terrorisme islamique. La particularité du phénomène totalitaire que d'être universel et de s'appliquer à tous les peuples, toutes les croyances, toutes les religions... Mesdames, messieurs, ce soir, à 21h précisément, sur les Champs-Élysées, une attaque est intervenue visant des policiers... et le car qui les abritait. Un policier a été tué. Deux autres ont... J'ai pris le métro à Barbès, direction Étoile. Et je suis descendue à Blanche. Les sex shops de Pigalle fermaient les uns après les autres. Et un bar PMU a ouvert avec les résultats du loto. Je suis entrée pour demander un verre d'eau et aller aux toilettes. Je suis restée un moment assise sur les toilettes. J'ai regardé mon ventre. J'avais chaud. La ceinture me brûlait la peau. J'ai connecté l'ensemble, tranquille, avec soin, calme, comme il me l'avait appris. Puis je suis passée devant le miroir et j'ai regardé mon reflet. La minuterie a coupé la lumière. Je suis sortie. J'ai marché parmi les gens, des hommes, des femmes, affairés, dynamiques, drôles, pressés, en colère ou amoureux, embarqués dans des scènes banales de la vie de tous les jours qui d'un seul coup prenaient un tour d'éternité. Je suis arrivée à la fac, un amphithéâtre bondé, des étudiants par centaines. Il n'y avait plus de place assise, alors j'ai dit à l'huissier « Je suis Lila Belkacemi, fille de Mohamed Belkacemi, née à Sidi Belabès, quartier Babdaya, Algérie. Je cherche une place assise pour les cours de droit international. Je suis enceinte. » L'huissier, un peu étonné, a répondu « Mohamed ? Connais pas. Ici, on est en France. » Il m'aurait suffi de presser sur le détonateur et alors tout serait rentré dans l'ordre. Mais j'ai préféré partir. Sans rien dire. Dehors, il y avait une poubelle qui débordait de choses sales. J'ai défait ma ceinture et je l'ai déposée là, parmi les ordures et les sacs éventrés. Et puis j'ai repris mon chemin, tranquille, comme si rien n'avait jamais existé. C'était Direction Paradis, de François Loutiani, avec Toufane Manoucheri, Abel Jaffry, Jean-Céric Colleno de Meulner, Philippe Béraudeau, Johanna Nizar, Vincent Pellegrini et les voix de Mohamed Ghelati, Assia Sassi, Othello Vilgar, Sylvain Gauthier, Tom Boyaval, Serge Noël, David Stanley. Bruitage Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Pascal Deux. Thank you. Inter, affaires sensibles, la fiction. Édition spéciale. Et donc l'horreur, la sidération, la France, frappée comme jamais par le terrorisme. Au moins 120 morts, des dizaines de blessés très gravement atteints dans 6 attaques quasi simultanées. Donc hier soir à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France. Le bilan le plus effroyable, 80 morts au Bataclan, salle de spectacle, boulevard Voltaire. En plein concert, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Ils ont tiré en plein dans la foule, en criant à la Wakbar avec des fusils à pompe, je crois, parce que j'en ai entendu échanger. Ce matin, le silence est revenu. On a croisé quelques voisins à gare qui n'ont pas trouvé le sommeil. On a croisé aussi un psychologue qui a travaillé toute la nuit auprès des victimes et il nous disait c'est très très difficile pour les gens. Ils ont vu des scènes vraiment très dures et certains vont devoir annoncer ce matin à leurs enfants le décès de leur femme ou de leur mari. J'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui direction Paradis, notre invité Pascal Manoukian, ancien grand reporter, auteur de Ce que tient ta main droite t'appartient, un livre sur Daesh et ses méthodes. Bonjour Pascal Manoukian. Bonjour. Vous êtes ancien reporter de guerre et vous avez dirigé l'agence de presse Kappa. Aujourd'hui, vous êtes écrivain. En 2013, vous avez publié un récit intitulé « Le diable au creux de la main », puis en 2015, « Les échoués ». Et aujourd'hui, nous vous recevrons pour... pour votre dernier roman intitulé « Ce que tient ta main droite t'appartient ». Alors dans ce roman, nous sommes vraiment dans l'actualité, hein, celle de l'état d'urgence finalement, des chaînes d'infos et du danger terroriste. Vous décrivez d'une écriture sèche et précise le mécanisme d'embrigadement des candidats au djihad. Dans la fiction, vous l'avez entendu, nous étions avec Lila. Et bien dans votre livre, nous suivons Karim. Karim vient de perdre sa femme, Charlotte, enceinte, victime d'un attentat à Paris. Plus rien ne peut plus être comme avant, évidemment, et on l'imagine. Alors il décide de remonter la piste et il veut se venger. Et pour cela, il va en Syrie, au cœur de Daesh, dans le chaos d'une guerre complexe et violente. Pourquoi avoir écrit ce livre? Je parlais d'état d'urgence, j'ai dit justement parce que c'est une lecture d'urgence à tous les niveaux, l'urgence de comprendre, l'urgence de partir se venger, l'urgence de vivre, car nul ne sait si on ne croisera pas un autre terroriste, forcément, un nouvel attentat. Il y a cette notion d'urgence dans ce livre, je trouve. Oui, alors étrangement, la première idée m'est venue en 2012, quand Mohamed Merah a assassiné Mohamed Le Gouad. Voilà, ils s'appelaient tous les deux Mohamed, ils avaient tous les deux 26 ans, ils venaient de la même cité, ils avaient eu à peu près la même éducation. Mais il y en a un qui avait rejoint ce qui allait devenir l'armée islamique et l'autre qui avait rejoint l'armée française. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait donner ce grand écart. Et puis j'ai passé un peu de temps à attendre et c'est quand en fin de compte l'actualité a rencontré mon métier, c'est-à-dire quand j'ai vu les clips de propagande de Daesh, d'une efficacité et d'une modernité qui détournaient à peu près tous les codes que nous avions inventés à la télévision, pour aller chercher les jeunes dans leur chambre et dans leur foyer, que je me suis mis à écrire l'histoire. Alors, on vous sent bien sous la plume du romancier qu'il y a celle du journaliste. Comment vous avez travaillé, enquêté pour construire ce roman si près du réel? Alors déjà, je connais bien les phénomènes d'embrigadement, pour y avoir travaillé sur les sectes notamment, et ce sont à peu près les mêmes. Hein. C'est les mêmes ressorts. C'est les mêmes ressorts, c'est-à-dire isoler les gens, les couper de leur milieu social. Et leur faire croire à une sorte de paradis. À les emmener une fois sur place et ensuite à les contrôler. Je connais bien aussi la radicalisation de l'islam, puisque j'ai beaucoup couvert la guerre d'Afghanistan à l'époque de l'invasion soviétique, j'ai vu les talibans arriver, j'ai vu Al-Qaïda arriver, et ensuite Daesh, non pas sur le terrain, mais en y envoyant des journalistes. Après, pour le cœur du livre, j'ai fait en fin de compte ce qu'a fait mon héros. C'est-à-dire que Karim, qui tout d'un coup, non au départ pour se venger, mais surtout ensuite pour essayer de comprendre comment la religion qu'on lui avait enseignée, qui était une religion de paix, l'islam, pouvait devenir une arme de guerre, s'infiltre chez Daesh. Et pour s'infiltrer, il fait ce que font tout le monde, on se crée un profil. Et puis ensuite, donc ça veut dire Internet ? Internet, Facebook, un profil. Alors il faut qu'il commence par Abou quelque chose. Et ensuite, voilà, on joue le jeune paumé, musulman ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et puis très vite, on est contacté. Alors justement, page 102, vous écrivez précisément ce que vous êtes en train de dire. Alors Karim, c'est le personnage du roman, Abou Walid, c'est le recruteur, on est bien d'accord. Et voilà le dialogue hein, sur Internet, ça c'est impressionnant. Abou Walid, t'es nouveau, Karim ? Oui, comment tu m'as trouvé ? Réponse d'Abou, je m'intéresse à tous les Abous qui postent, mon frère. Tu as vu la vidéo ? Bien sûr. Alors la vidéo, c'est terrible. C'est la vidéo d'une lapidation. D'une lapidation, oui, c'est ça. Avec, si je puis me permettre de dire ça, tous les détails. Horrible. Donc il la voit, cette vidéo. Et le recruteur lui dit, les chiennes meurent comme des chiennes. Abou Walid, tu vis où ? Karim à Aubervilliers. Et toi ? Là où on défend l'islam. Abou Walid disparaît un instant, comme s'il menait plusieurs conversations à la fois. Puis il revient, et ça recommence. Tu travailles ? Non, pour l'instant j'envoie des CV, mais je n'ai pas de réponse. C'est normal, lui répond l'interlocuteur. Les Français n'aiment pas les Arabes. Ici, on a tous du boulot. Tu parles arabe ? Oui, un peu, j'apprends. Alors passe en conversation privée, mon frère. Le diable est partout. Sur Internet, ça se passe comme ça, donc. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire que finalement, les recruteurs ont peu de temps à passer sur Internet avant d'être repérés. Donc ils sont très efficaces. Ils repèrent les profils de gens qui sont dans le doute. Et puis très vite, on passe de conversation normale en conversation privée, et puis ensuite en messagerie privée. Et puis ensuite, on descend dans ce qu'on appelle le net profond, avec plusieurs façons d'y circuler. Et là, toutes les informations s'échangent, concrètes, pratiques, comment partir, où partir, comment s'habiller, quoi faire. Et moi, donc, j'ai profité de ce voyage-là, non pas à surfer sur Internet, mais dans ce net profond, pour y rencontrer les recruteurs, les repentis, les candidats au départ. Et ma documentation s'est faite comme se fait le voyage de Karim. Vous pensez que la fiction est plus à même de raconter ce présent-là, avec ces détails-là et cette vérité-là, que le reportage ou le documentaire, au passage ? Alors moi, j'ai longtemps défendu le contraire. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question. Et puis finalement, en rencontrant mes lecteurs, depuis que j'écris des romans, j'ai vu l'immense pouvoir que la fiction a pour toucher les esprits, que n'a pas le journalisme. Parce qu'il y a une intimité avec le roman et avec les littératures qu'on n'a pas dans les articles ou dans les documentaires. Je crois que c'est Nancy Houston qui disait en pénétrant notre cerveau, la fiction le forme et le transforme. Et je crois que ça c'est typique à la littérature ou à la fiction. Alors je reviens sur votre enquête. La question de tout à l'heure était subsidiaire. Je reviens au fond du problème. Et c'est si facile que ça d'entrer en contact, d'échanger. J'imagine qu'il y a de la surveillance et j'ose espérer. Oui, il y a de la surveillance. Moi, je pense que, en ce qui me concerne, j'ai tapé à peu près tous les mots-clés interdits et assez vite, je pense, la police sait si vous êtes journaliste, si vous avez déjà publié des livres et que comme, justement, je pense qu'elle fait plutôt correctement son métier, elle va pas s'attarder. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine à embrigader est chez nous tous, dans nos appartements, dans les chambres de nos enfants. Et c'est ça qui est terrible, c'est que... par Internet, oui. Voilà, le conflit est à 5000 kilomètres. Mais les recruteurs sont dans les chambres de vos enfants. Et très vite, ils arrivent à reconnaître les gens qui ont des petites fêlures et ils ont des réponses toutes faites pour les embarquer et tout d'un coup donner un sens à leur échec, par exemple, s'ils sont en échec scolaire ou dans la vie, trouver des solutions aux reproches qu'on peut leur faire. Toujours les prendre dans le bon poil et leur dire que finalement, voilà, c'est pas de leur faute, mais qu'il y a un autre monde... où justement, ils ont de la valeur. Précisément, Pascal Manoukian, sur ce que vous venez de dire, là, vous l'écrivez hein, sur les motivations et les ficelles du recruteur. Et le recruteur, Abou Walid, vous le dites d'ailleurs, il a le discours simple et efficace, et il dit, si Karim galère, c'est à cause de la France, en croisade contre l'islam depuis toujours, au Moyen-Âge, elle chassait déjà les Arabes du Cham, la terre des prophètes de l'Ancien Testament, celle où Daesh prospère aujourd'hui, une grande Syrie, allant de la Jordanie aux provinces turques, de Gaziantep, Diyarbakir et Hatay, en passant par le Liban et la Palestine. Et il continue, à la Révolution, les Français s'inventaient une autre religion, plus dévastatrice encore, la démocratie et la laïcité, afin de justifier d'autres croisades, coloniale celle-ci, d'envahir le Maghreb, l'Égypte et à nouveau une partie du Cham. Voilà, l'argumentation, elle peut être malheureusement efficace. Oui, l'argumentation d'Aïch, ce n'est pas du racisme, c'est parce qu'ils ont compris que l'islam disait la vérité et que l'islam avait raison, qu'ils vous maintiennent coûte que coûte la tête sous l'eau. Que ce soit quand on ne prenne pas votre CV, ou que ce soit quand on vous fait vivre dans des cités dortoirs pourries. Bien, on reviendra sur le fond de la pensée de Daesh précisément, dans 3 minutes après avoir écouté un disque. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Pascal Manoukian, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Ce que tient ta main droite t'appartient ». C'est l'histoire de quelqu'un qui part au djihad, hein, qui part de France pour aller au djihad, et ça vous permet de raconter ce qu'est le djihad, ce qu'est Daesh, et ce qu'est la pensée Daesh. C'est quoi la pensée Daesh? Qui sont ces gens-là? Que veulent-ils? C'est quoi leur dessein? Alors, je ne sais pas ce qu'était leur pensée au départ. En tous les cas, aujourd'hui, c'est devenu une organisation criminelle. C'est-à-dire que c'est clair. Tout le monde le sait. Mmh. C'est devenu une organisation qui est dans tous les trafics. Voilà. C'est en fin de compte, il y a très très peu de d'embrigadés chez Daesh. Tiens donc. Il y a très peu d'embrigadés. Il y a beaucoup de gens qui sont abusés au départ. Mmh. Et ensuite, le système de Daesh, c'est de les compromettre. À travers des exactions, des assassinats, en les mettant dans la police des mœurs, par exemple. Et donc après, les gens qui se sont laissés embrigader, enfin, laissés emmener sur place, n'ont plus le choix du retour. Ils ne peuvent plus rentrer en disant, finalement, je me suis fait berner. Ils deviennent prisonniers, en quelque sorte. Voilà, ils deviennent compromis. C'est vraiment la secte, parce que les sectes, c'est très facile d'y entrer, c'est très difficile d'en sortir, c'est ce qu'on dit. Hein. Et ça y ressemble. Et c'est d'ailleurs tout ce qui va poser un problème pour les revenants. Parce que parmi ces revenants, qui a été abusé et qui est véritablement embrigadé, ça va être très compliqué de faire la différence. En sachant qu'il y a quelque chose de très important chez Daesh, c'est la notion de taqiya, de dissimulation. La taqiya, c'est dans toute la propagande de Daesh, c'est avant de partir, dissimule-toi, fais comme si tu étais un mécréant pour passer la frontière, prends le guide des routards quand tu pars en Turquie, note les boîtes hétéro-homosexuelles, mets ton maillot de bain au-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on leur enseigne. Et au retour, tous ceux qui vont rentrer vont aussi appliquer la taqiya, c'est-à-dire que ceux qui ne sont les vrais embrigadés, ceux qui ont effectivement lutté vont raconter, vont dissimuler aussi. Donc c'est quelque chose d'assez important chez Daesh, cette notion-là. On parlera du retour tout à l'heure, de la déradicalisation, si vous voulez bien. Mais apparemment, lecture de votre livre, on se dit c'est facile de rentrer en Syrie. Bah c'est très facile, hein, c'est-à-dire que la Syrie aujourd'hui, en plus de enfin dans ces conditions-là, hein, parce que oui, quand on est journaliste pour faire autre chose, c'est plus difficile, hein. Oui, bien sûr, mais là bah, c'est-à-dire que si vous voulez c'est à 60 la Turquie, c'est un billet low cost de 60 €, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été embarqué dans votre chambre, que vous avez un numéro de téléphone, vous trouvez 60 €, vous êtes en Turquie. Une fois que vous êtes en Turquie, vous montez à la frontière et là on vous prend en charge. C'est malheureusement pas plus compliqué que ça. Et c'est tout à fait volontaire, bien sûr. Bien sûr. Vous expliquez un peu la vie des djihadistes, hein, leur façon de faire de la propagande. Alors, très actuelle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, même high-tech, branché sur les jeux vidéo, les fictions. Vous parlez aussi de leur matériel de tournage avec des drones, de montage et de trucage. On croit voir des studios en plein désert. Hein. Oui, je vous dis, ce qui m'a amené à écrire le livre, c'est excessivement moderne. Et surtout, c'est qu'ils ont, si vous voulez, détourné tous les codes de notre pop culture. Ils savent exactement tout ce qu'on a inventé pour rentrer dans le cerveau de nos enfants, qui n'a aucune conséquence ici si ce n'est d'appauvrir leur vocabulaire et leur moyen de réflexion. Mmh. L'écriture de la télé-réalité, l'écriture de série, c'est exactement ça. Ils gardent la forme et ils détournent le message. Donc c'est d'une efficacité extrême. C'est ça qui fait que les jeunes sont tout de suite emballés. Et ça, c'est une des forces de Daesh, c'est de constamment détourner ce qu'on invente. Par exemple, dans leur propagande, on vous vend Airbnb. Parce que Airbnb, ça permet d'être logé sans passer par un hôtel. On vous dit de prendre Blablacar, parce que Blablacar, quand vous prenez une voiture avec un engin explosif de la porte d'Orléans à Marseille ou à Nice chez Blablacar, vous serez pas repéré comme dans un train ou dans un avion. Et c'est exactement ce qu'ils font à chaque fois. Et depuis que le califat est tombé, ils sont en train de promouvoir l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire, ne venez plus, ce n'est plus la peine, devenez auto-entrepreneur de Daesh. Et montez votre petite cellule là où vous vivez. Oui, retrouvez vos amis sur Copains d'avant et montez un attentat et à la fin, revendiquez-le au nom de Daesh. Alors, cette cruauté, cette barbarie, elle est là, évidemment, pour terroriser. On est bien d'accord. S'il faut des figurants à assassiner, j'ai des figurants à assassiner, dit un cadre de Daesh, j'imagine. Cette cruauté-là, c'est un moyen, à la fois à partir de la base, hein, de Daesh, là où Daesh est installé, même si c'est à géométrie variable, puisqu'ils prennent des positions, ensuite ils sont repoussés. C'est pour terroriser, c'est pour ça. C'est à la fois pour terroriser et à la fois pour garder les gens. C'est-à-dire que c'est devenu un immense jeu vidéo, quoi. C'est Call of Duty en vrai, les villes où habite Raqqa, par exemple, quand Raqqa tenait encore. C'est-à-dire que tout d'un coup, Mossoul et Raqqa, quand vous emmenez toute une population comme ça de gens qui sont parfois des anciens délinquants, parfois des gens qui étaient paumés, et que vous leur faites franchir ce pas-là, il faut bien qu'après, ils y trouvent des avantages. Et ça devient une espèce de folie meurtrière, mais comme on rencontre dans tous les régimes totalitaires et autoritaires. Hein, ça a été le cas au Kampuchea, au Cambodge. Voilà, à chaque fois, ça amène à des dérives extrêmes. Et là, c'est comme, si vous voulez, je prends l'exemple des gens qui doivent faire les films de propagande, tout est permis. S'il faut faire un massacre, hein, s'il faut crucifier des yézidis, par exemple, qui est un peuple qui est en train de se faire génocider, ce n'est pas grave. Vas-y, les figurants sont là. Fais-moi le meilleur film propagande possible. Fais-moi la meilleure série possible. Alors comment on fait aujourd'hui avec le retour de certains djihadistes qui ont combattu en Syrie? Là, c'est vraiment très compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué parce que je crois qu'on va être obligé d'apprendre en marchant. D'abord, je vous disais, il y a eu peu de véritables embrigadés, mais cette histoire de notion de takia, c'est-à-dire cette culture de la dissimulation, ça va être très compliqué de trier on va dire, ceux qui sont récupérables et ceux qui ne le sont pas. Et puis, se désembrigader, c'est quand même avouer que vous êtes trompé sur tout. Et quand vous avez 17, 18, 20 ans, c'est très compliqué. C'est admettre que vous avez peut-être tué pour rien. Et c'est admettre que vous avez bousillé la vie en général de votre famille pour rien aussi. Donc c'est très compliqué d'accepter ça. C'est admettre que vous avez foutu votre vie en l'air, en fin de compte. Donc beaucoup sont dans le déni aussi. C'est des choses qu'on va devoir apprendre, puisque pour l'instant tous les centres de déradicalisation, comme on dit, n'ont pas fonctionné. Et puis il y a un autre problème qui va se poser, que nous on a pu traiter en tant que journaliste, mais en Afrique à l'époque, c'était la déradicalisation des enfants soldats. Parce que dans tous les gens, il y a 400, 500 enfants, soit qui sont arrivés de France et qui ont vécu en Syrie, soit qui sont nés en Syrie. Parce que les femmes étaient là pour faire des lionceaux, pour faire des combattants pour Daesh. Donc ces lionceaux, aujourd'hui, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. On leur a fait égorger des poulets, parfois on leur a fait assassiner des hommes. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas, ça se faisait au Sierra Leone, ça se faisait... ailleurs. Et aujourd'hui, la France et la Belgique, sans doute, vont être le premier pays européen à avoir sur son territoire des enfants soldats qui vont rentrer. Vous avez rencontré des radicalisés et des en voie de déradicalisation? J'ai rencontré deux radicalisés qui, bien sûr, ne se disaient pas radicalisés, mais porteur d'un espoir. Ah non, trompé. Oui, c'est-à-dire, bah oui, donc toujours avec le même problème, c'est-à-dire qui dit vrai ou qui dit faux. Voilà, je crois quand même que l'important, c'est que quand même, et Daesh même l'admet dans sa propagande, Daesh a perdu cette guerre bien avant de perdre le califat, parce que le vrai objectif de Daesh, c'était de diviser les sociétés où il se met la terreur. Et aucune des sociétés occidentales ne s'est divisée. C'est ça le vrai échec de Daesh. Et notre espoir, il est là aussi? Je pense. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui va devoir vivre avec cette peur-là, parce qu'elle va durer encore. La nôtre, celle de nos enfants, puisque ça va durer sans doute une dizaine d'années, comme ont duré les détournements d'avions, comme ont duré les attentats de l'extrême droite, de l'extrême gauche en Italie, en Allemagne. Et puis un jour, faute d'idéologie ou faute de combattants, ça va se terminer. Mais le vrai combat, ils l'ont perdu. Voilà, donc il est encore temps de montrer que notre modèle démocratique est supérieur, en tout cas humainement supérieur. Hein. Ils font la guerre à nos valeurs, donc il faut qu'on réussisse à leur faire la guerre sans perdre nos valeurs, bien sûr. Pascal Manoukian, une dernière question un peu plus personnelle. Vous écrivez un autre livre aujourd'hui, ça y est, vous êtes complètement romancier, vous êtes ex-reporter et nouveau romancier. Exactement, je ne fais plus que de la fiction et je viens de rendre un livre la semaine dernière qui va sortir en septembre 2018. Sur le déclassement social. Bien. Merci infiniment, Pascal Manoukian. Ce que tient ta main droite t'appartient. Voilà, c'est votre dernier livre, celui que moi je tiens entre mes mains. Bah tiens, il m'appartient puisque je le tiens de la main droite. Chez Don Quichotte. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Direction Paradis, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Pascal Deux et Alny Oro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Rémi Quincet.